À l'occasion du 5e anniversaire du décès du dirigeant Kim Jong-il, un rendez-vous en sa mémoire a eu lieu le 2 décembre à l'Université coréenne de l'Association générale des Coréens au Japon. Y ont participé le personnel enseignant et administratif, y compris le recteur, les étudiants et chercheurs de l'université. Les orateurs et artistes ont reproduit de façon émouvante la direction clairvoyante et le grand amour du dirigeant Kim Jong-il, qui a fait développer l'université coréenne en unique centre de formation des jeunes d'élite de l'Association générale des Coréens au Japon.